Isanganiro. Ubu ni saa zitandatu n'iminota 55. Jean Bosco, Nduwimana. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal, la grande édition de cette mi-journée du 20 février 2018. Et en voici tout de suite les grandes articulations. Des politiciens de l'opposition, aussi bien ceux vivant au Burundi et une délégation du Sénarède en exil, sont à Dar es Salaam en Tanzanie. Ils sont là pour des discussions avec le facilitateur Benjamin Mkapa en vue de la reprise du dialogue ainsi que sur le processus du référendum constitutionnel en cours. Et l'ONG locale Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM s'inquiète du flou qui entoure la collecte et probablement la gestion des cotisations pour financer les élections de 2020. Le président de cette organisation trouve que le contenu de l'ordonnance ministérielle relative n'a pas pris en compte notamment le dialogue social. Et plusieurs maisons et cultures ont été endommagées sur différentes collines de la commune de Nyabihanga et Kayokwe. C'est dans la province de Mwaro. C'était au cours d'une pluie intense tombée dans l'après-midi de ce lundi. Notre correspondant nous en donnera les détails. Et dans la chronique santé, comme tous les mardis, il est question de la carie dentaire avec le dentiste Jean-Charles Mugumyanyiko. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Attaque à la grenade contre un ménage de la colline Murambia, zone Gitawa de la commune et province Makamba. C'était vers 20h de ce lundi. La femme est morte sur le champ et son mari grièvement blessé. L'administrateur de la commune Makamba, Jafet Nungwanayo, confirme l'information et indique que la police a commencé ses enquêtes pour tenter d'identifier les auteurs de ce forfait ainsi que ses mobiles. Et six politiciens de l'opposition politique viennent de passer deux jours à Dar es Salaam en Tanzanie. D'après les sources proches des formations politiques invitées, Léonce Ngendakumana, Evariste Ngayimhenda, un émissaire d'Agathon Rwasa et une délégation du Sénarède de trois personnes pilotées par Dr Jean Minani ont été invités par le facilitateur dans le conflit burundais Benjamin Mkapa. De sources bien informées, nous apprenons qu'il se serait entretenu sur les modalités de la reprise du dialogue et sur le processus du référendum sur la Constitution. Et parmi les personnes inscrites pour les prochaines élections, ceux qui n'atteignent pas l'âge de 18 ans n'auront pas la possibilité de voter pour le référendum constitutionnel prévu au mois de mai prochain. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'a précisé lors d'un point de presse ce lundi soir. Pierre Claverne d'Aïtcharié indique que la CENI collaborera avec un opérateur informatique qui distinguera les moins de 18 ans et ceux qui ont plus de 18 ans. Le travail de saisie informatique et des données, c'est un travail fait par un opérateur informatique qui a un logiciel et ce logiciel va nous permettre de travailler, d'évoluer pour que le jour où nous aurons d'abord ce que nous appelons le fichier électoral provisoire, nous puissions isoler, je dis bien isoler, c'est le terme, ceux qui ont le droit de voter en 2018 et ceux qui n'auront pas le droit de voter en 2018. Cette capacité que nous appelons fonctionnalité dans le langage des informaticiens, c'est une fonctionnalité qui prévoit de séparer les deux catégories d'électeurs. Dans quelques jours, 3 ou 4, nous démarrons la saisie informatique des données sur les électeurs. Si tout va bien, vous le saurez, mais nous nous préparons à entamer la phase 2 et ce travail, comme en 2015, va se dérouler dans le lieu dit Secores. C'est là où nous avons installé le centre de traitement des données. Ça veut dire que les recettes techniques et informatiques vont être managées au CTD. Vous pouvez réserver cette question à l'étape suivante. Pierre Claver Ndaïchari est président de la CENI et l'ONG Parsem, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités, se dit toujours être inquiété par l'opacité qui plane toujours sur la collecte des cotisations pour financer le processus électoral. Au cours d'une conférence de presse de ce mardi, le président de la Parsem a aussi fait savoir que même l'ordonnance ministérielle demandant ses contributions n'est pas en train d'être appliquée en son entièreté. Faustin Dikoumana évoque l'absence du dialogue social entre les représentants des travailleurs et le gouvernement à ce sujet. La traçabilité de ses contributions laisse donc à désirer pour Faustin Dikoumana. Encore si on a parlé d'un dialogue social, ça le dialogue social à travers ce dialogue qui où on allait même demander certaines questions, certaines qualifications. Vous savez, à même ici dans un débat, on peut avoir des contributions fortes qui peuvent vous aider à mieux orienter, à rendre beaucoup plus performant au niveau des résultats d'un processus quelconque. Et parce que si même dans le dialogue, on ne dit pas que les syndicats ou autres personnes allaient imposer, c'est un échange. On n'impose pas. Mais à travers cet échange, vous pouvez avoir des contributions très nécessaires et pertinentes. Il faut toujours ce courage de dialoguer, d'échanger, de convaincre, d'argumenter. Sinon, pour nous, s'autofinancer au niveau des élections, c'est une dépense de souveraineté, je l'ai toujours précisé. Mais il faut bien préparer ça. J'ai dit qu'il y a un groupe autre personne. Pour mieux mobiliser les fonds, il faut un processus de collecte beaucoup plus crédible pour éviter les détournements. Il y a les risques aussi quand nous avons exigé une rigueur dans la gestion. Tout à l'heure, je parlais que même actuellement, on constate même des détournements dans les contributions sociales. Ibimazi. Au cours des révédodés. Ce sont des cas aujourd'hui qui sont évoqués. Imaginez-vous alors les gens qui collectent le processus de garantir cette transparence, cette rigueur de gestion, il est où? Si chacun pourra s'inviter, dire je vais percevoir, je vais percevoir. Non, on va dire qu'il y a un cadre de perception et de gestion, et de contrôle. Mais sinon, est-ce qu'on est en train d'empêcher le gouvernement de faire? J'ai dit que c'est même l'idéal quand un pays puisse regarder ses élections. C'est une priorité, j'aurais dit, une dépense de souveraineté. Même Parcelle peut s'acquitter de cette contribution. Mais nous disons qu'il faut le rendre beaucoup plus crédible pour attirer davantage ses contributeurs. Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation Parsem. Et le ministre de la Communication dit que les journalistes devraient utiliser les technologies de l'information et de la communication lors de l'exercice de leur métier. Nestor Bangomokunzi indique que ces technologies aident les journalistes à faire parvenir les informations dans les coins les plus reculés. Il l'a dit ce mardi au cours d'un atelier de renforcement des radios communautaires par le biais des TIC. Suivez Nestor Bangomokunzi. Il s'agit de clôturer une formation à l'adresse des médias communautaires qui sont les mieux indiqués pour aider la population des différentes localités du pays à pouvoir avoir de l'information nécessaire pour les aider à pouvoir trouver des solutions aux différentes questions auxquelles les communautés font face à travers leur pays. Ce que nous attendons donc de cette formation, c'est que les médias soient suffisamment outillés pour pouvoir exercer correctement leur métier en se servant naturellement des technologies de l'information et de la communication qui ont déjà fait leurs preuves en matière de dissémination de l'information. Nous constatons qu'au niveau de certains médias, l'usage des TIC reste déficitaire. Il y a un grand pas à faire, mais évidemment, comme nous le savons, les TIC sont un double tranchant. Nous avons donc saisi l'occasion d'interpeller les journalistes pour qu'ils fassent bon usage des technologies de l'information et de la communication. Et c'est pourquoi nous avons saisi l'occasion de demander aux responsables des médias se mettent ensemble pour organiser des formations à l'intention de ces jeunes journalistes et ainsi leur permettre de pouvoir exercer correctement leur métier. Isanganiro, la radio de l'avenir. Plusieurs maisons et cultures ont été endommagées sur différentes collines de la commune de Nyabihanga et Kayokwe de la province Mwaro au cours d'une pluie intense tombée dans l'après-midi de ce lundi. Les sources administratives dans ces communes disent que certains de ces bâtiments sont des infrastructures publiques, d'autres appartiennent à des particuliers. La population de ces collines craint la menace d'une famine. Laurent Dicourio. Cette pluie intense mêlée de vents violents et de grêle est tombée à partir de 15h de ce lundi en commune de Nyabihanga de la province Mwaro. 24 maisons ont été dépouillées complètement de leur toiture en tôle au village d'Opé de Gassambi. 5 autres maisons ont été partiellement abîmées dans son village situé sur la colline Miterama. L'administrateur de la commune Nyabihanga Adrien Nzonimana dit que lors de cette pluie intense accompagnée de vents forts et de grêle, une classe a été endommagée à l'école fondamentale de Nyabihanga de la même commune. Aussi, une clôture du centre de santé Nyabihanga a été abîmée. Les informations provenant de ces communes disent en plus que différentes cultures ont été endommagées par la grêle sur les collines Gatwe, Murama et Miterama de cette commune. Dans la commune voisine de Kayokwe, l'administrateur communal François Mondoa dit que suite à cette pluie, au lycée de Mouyewe, la clôture de l'école, une partie du dortoir et une salle de classe ont été détruites. Aussi, des maisons ont été dépouillées de leur toiture sur les collines Kiwenga, Migende, Nyakibari et Visoro. Les cultures ont été également endommagées par la grêle sur toutes les collines de la zone Gatwe et la zone Mouyewe de cette commune. Il précise que dans la matinée de ce mardi, à certains endroits, des cristaux de grêle étaient encore visibles. La population de ces collines touchées craint la menace d'une famine, du moment qu'elle venait à peine de commencer le semis du haricot pour la saison culturelle B, car depuis bientôt un mois, brillait un soleil de plomb. De Moaro, Laurent Dicolio, Radio Isanganiro. Merci Laurent. Et la branche des Nations Unies chargée des affaires humanitaires, OCHA, a besoin de financement en hausse de 141 millions de dollars américains pour la réalisation de son projet Plan de réponse humanitaire 2018. Jean Dodieu Ndikoumana, secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures, l'a dit ce lundi lors du lancement officiel du dit projet qui consiste à assister les Burundais victimes de catastrophes naturelles et même ceux souffrant de malnutrition. Suivez-le. Le Burundi lance aujourd'hui son plan de réponse humanitaire 2018 en faveur des populations souffrant de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition et des épidémies telles que la choléra et le paludisme, mais aussi les rapatriés, les retournés, les réfugiés, les déplacés internes ainsi que les personnes gravement affectées par les catastrophes naturelles malheureusement récurrentes dans notre pays. Plan de réponse humanitaire 2018 cible 2,4 millions de personnes dans le besoin, soit plus de double qu'en 2017, et implique subséquemment des besoins de financement en hausse d'un total qui s'élève à 141,8 millions de dollars américains. L'année dernière, notre pays a bénéficié d'un soutien de 45,4 millions de dollars de la part de la communauté internationale, soit 61,6% du budget requis dans le plan de réponse humanitaire 2017 qui ciblait 1 million de personnes. Si nous nous limitons à fournir de l'eau, des vivres et des abris lorsque survient une catastrophe naturelle, nous ne résolvons pas le problème sur le long terme car au prochain aléa climatique, les ménages affectés souffriront des mêmes besoins. La réponse donc doit aller plus loin et permettre aux populations de se prévenir des risques futurs. Et la croissance démographique rapide, l'insuffisance de routes en bon état, la gestion quotidienne du secteur des transports routiers attribuée à 3 ministères différents, tels sont les problèmes auxquels le secteur du transport fait face, tels que relevés dans un atelier organisé ce mardi par le ministère des Travaux publics et des Transports sur la problématique de la mobilité urbaine à mairie de Bujumbura. Il est prévu que les participants à cet atelier dressent les recommandations sur les solutions à apporter aux problèmes qui hantent le secteur de transport dans la capitale burundaise. Nouvelle des Provence, les enseignants de la province scolaire de Gitega sont étonnés de voir qu'ils reçoivent peu d'argent pour l'achat du matériel didactique comparativement à ceux des autres provinces. Pour ces enseignants, ceci a un impact négatif sur leur travail. Ils demandent au ministère ayant l'éducation dans ses attributions de donner la lumière sur cette différence observée. Quant au directeur provincial de l'enseignement à Gitega, il fait savoir qu'il se base sur la somme que le ministère leur donne et la partage selon l'effectif d'enseignants qu'ils ont. Correspondance d'Arthur Kavaouchi. Selon ces enseignants de la province scolaire de Gitega, l'argent qui vient du ministère de l'Éducation et qui leur est destiné pour l'achat du matériel didactique devrait être égal. Les enseignants avec lesquels nous sommes entretenus disent que dans la province scolaire de Gitega, ils reçoivent peu d'argent par rapport aux autres provinces, même s'il y a des écarts d'une province à une autre. Tenez, dans la province scolaire de Gitega, ils ont reçu 2500 francs bourg, alors qu'à Muyinga, ils ont reçu 7600 francs bourg. À Mwaro, ils ont reçu 4300 francs bourg. À Ngozi, 4300 francs bourg. À Mubanza, 6 cahiers de sensei, plus de kilos. Et à Karoussi, ils n'ont pas encore reçu cet argent. Il faut savoir qu'ils ne comprennent pas bien où va cet argent. Les enseignants se demandent pourquoi dans la province scolaire de Gitega, c'est là où ils ont reçu peu d'argent, alors qu'ils utilisent plus de 2 cahiers dans la préparation des cours, des évaluations, etc. Ils disent que cela leur empêche de bien organiser leur travail, mais que les conséquences se répercutent sur les élèves. Pour ces enseignants, le ministre ayant l'éducation dans ses attributions devrait donner la lumière sur ces différences constatées dans l'octroi de cet argent dans la province scolaire de Gitega, du moment que tous les enseignants devraient avoir la même part car ils font le même travail. Sur ces grognes, le directeur provincial de l'enseignement à Gitega, d'abord Damien Bernard, fait savoir qu'il se base sur la somme que le ministère leur donne et la partage suivant l'effectif d'enseignants qu'ils ont. Il dit qu'il va demander au ministère de l'Éducation nationale sur quels critères il se base pour donner cet argent. Arthur Kababouti, Gitega, Radio Sanganiro. Grogne des agriculteurs demandeurs d'engrais chimiques qui payent de l'argent au guichet de la Poste Ngozi. Ces habitants d'Ngozi dénoncent la lenteur due au personnel insuffisant affecté dans cette activité de distribution de tickets à ses citoyens pour l'acquisition de ces fertilisants, ce qui pourrait tarder selon eux le semis de cette saison culturelle B2018. Les détails dans cette correspondance d'Apollinaire Mouzagara. Une foule immense de ces demandeurs de tickets pour l'acquisition des engrais chimiques s'observait toute la journée de ce lundi aux enceintes de la poste du chef-lieu de la province Ngozi. La population était très fâchée. Certains de ces agriculteurs rebroussaient chemin l'après-midi, mains vides. Le personnel de cette poste disait être dépassé par les demandeurs de ce lundi l'établissement d'un calendrier de distribution de ces tickets zone par zone afin de terminer vendredi avec les derniers. Malgré cette stratégie, la population était toujours nombreuse ce mardi, le jour destiné aux agriculteurs de la zone Mibo Ngozi. Il a dû l'intervention de la police pour assurer l'ordre sur de longues files d'attente des habitants des différentes zones de la commune Ngozi, déplore la perte de temps lorsqu'ils se présentent deux ou trois fois successifs et finissent par rentrer très doux. Certains des zones Makawa et Mugomera indiquant qu'ils font même 20 km pour arriver en Ngozi. Ils parlent ainsi de retard pour cette saison culturelle B. Les habitants de Ngozi suggèrent par conséquent aux autorités habilitées la décentralisation de distribution des tickets et engrais chimiques jusqu'au niveau des zones en vue d'alléger la souffrance de la population de Ngozi. Apollinaire Mouzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Mouzagara. Deux femmes sont portées disparues depuis le 8 février dernier. Cette information passée sur les réseaux sociaux est confirmée aujourd'hui par le porte-parole de la police qui dit qu'elles ont été enlevées en quittant leur lieu de travail au centre-ville de Bujumbura. Pierre Ngurikiye indique que les deux prestaient dans un salon de coiffure pour femmes et qu'une personne a été arrêtée pour raison d'enquête. Radio Isanganiro Chronique. Dans la chronique santé ce mardi, l'on parle de la carie dentaire qui est un trou dans la dent. Le dentiste Jean-Charles Mogumnyangiko fait savoir qu'une alimentation sucrée et un mauvais nettoyage des dents sont les principales causes de la carie. Cette maladie affecte beaucoup plus les enfants et les femmes enceintes. Les détails dans cette chronique santé signée Francine Ndihokugayo. La carie dentaire est définie comme étant une affection de la dent. La carie n'est pas héréditaire comme le pensent certains. D'après le dentiste Jean-Charles Mogumnyangiko, il nous parle ici des facteurs qui causent la carie dentaire. La carie dentaire, c'est une maladie qui a atteint les dents et c'est une maladie acquise. Quand je dis acquise, certaines personnes vont comprendre. Il y a des gens qui pensent que la carie, elle est héréditaire. Par exemple, mes parents ont eu la carie, j'aurai la carie. Et c'est une maladie qui, malheureusement, aboutit à la destruction des tissus durs de la dent et la formation d'une cavité. Il y a trois facteurs qui doivent être ensemble pour qu'il y ait la carie dentaire. Le premier facteur, c'est le facteur alimentation. Une alimentation riche en sucre est responsable de la carie. Vous verrez beaucoup plus les gens qui consomment des choses sucrées, que ce soit des confiseries, que ce soit des jus, des boissons sucrées, ils développent beaucoup plus la carie que les personnes qui n'en consomment pas. Le deuxième facteur, c'est le facteur hygiène. L'absence d'hygiène bucco-dentaire régulier et efficace conduit à la formation de la carie. Troisième facteur, c'est le facteur personne. Parce qu'il y a certaines personnes à risque. Le docteur Mogumnyangiko indique que les enfants et les femmes enceintes sont parmi les catégories beaucoup plus touchées par la carie que d'autres. 60 à 90% des enfants en âge de scolarité sont atteints de carie. En fait, pourquoi ? Revenons aux causes. C'est l'alimentation sucrée. Alors, c'est cette tranche d'âge, les enfants en âge de scolarité, qui consomment beaucoup plus les choses sucrées. Bien sûr, même pour les adultes, il y en a, mais c'est moins fréquent que par rapport aux enfants. Des personnes qui présentent un autre facteur qui favorise la survenue de la carie. Alors, on peut citer comme exemple les gens qui présentent des dents mal alignées, ce qu'on appelle des malpositions. Parce que les malpositions, en plus de l'aspect esthétique, la malposition participe au fait qu'il y aurait des endroits où les restes alimentaires vont être collés plus facilement. Donc, l'hygiène pour ces personnes sera beaucoup plus difficile. On peut citer également les femmes enceintes, à cause de l'imprégnation hormonale qui se produit au cours de la grossesse, leur qualité de salive devient plus acide. Et ce qui fait que la défense par rapport à la carie devient moindre. Et aussi les professions. Les gens qui travaillent dans les boulangeries, qui tout le temps sont en contact avec de la farine sucrée, ils développent beaucoup plus la carie dentaire. La sensation de la douleur à la mastication, au chaud et au froid, sont quelques signes de la carie. La plupart des personnes vont d'abord sentir une sensibilité exagérée. Quand ils prennent quelque chose de chaud, de froid ou au sucre, ils vont sentir une douleur. Ça aura des conséquences sur la mastication. Quand les gens sont en train de manger, ils auront des difficultés à mastiquer. Donc ce sont des douleurs qui surviennent tout d'un coup, surtout ce qu'on appelle des douleurs aux variations thermiques. Au stade où la maladie évolue, elle peut même donner des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs spontanées. La plupart des personnes vous diront, j'ai passé une nuit blanche parce que la dent a fait tellement mal pendant la nuit qu'elle n'a pas pu dormir. Si la carie n'est pas soignée au plus tôt, elle peut avoir des conséquences sérieuses. La prévention est aussi possible, mais nécessite une bonne hygiène buccale, une hygiène qui ne se fait pas n'importe comment, comme nous le dira notre dentiste Jean-Charles Mugumyangiko dans notre prochaine chronique santé. Merci Francine, merci Jean-Charles pour ces éclairages sur la carie dentaire. Ainsi se referme ce journal. Il est 13h15 à Bujumbura et sur l'Isanganiro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Eli Kadogo pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco Ndouimana. Passez un bon après-midi.